C'est à peu près ce qui s'est passé entre 1870 et 1879. Ok. De toute manière, il faudrait 2 heures en fait. Mais j'ai pas envie de faire 2 heures, donc ça me va très bien comme ça. Alors, donc on va commencer par l'Empire, le Second Empire, donc de 1852 à 1870, pour mettre le contexte. Alors l'Empire, c'est le machin de Napoléon III. Alors pour situer rapidement l'Empire lui-même, qui va situer la Troisième République, ça arrive à la chute de la monarchie de Juillet. Il y a une effervescence de la gauche radicale, et du coup, par opposition à ça, l'émergence d'un parti de l'ordre qui va s'acharner sur elle. Pendant ce temps, Napoléon va en profiter pour s'assurer le pouvoir exécutif dans l'ombre. Le peuple lui est déjà acquis, 75% du peuple vote pour lui. Donc, il n'a plus qu'à faire son petit coup d'État, voilà, tranquillement, et une constitution et un arsenal répressif qui lui sont assez favorables. On va regarder vite fait. En gros, il a l'initiative exclusive des lois. Il peut dissoudre l'Assemblée quand elle lui plaît pas. Il peut porter des candidats officiels. Il empêche directement la liberté de la presse. Il a un Sénat qui lui obéit. Enfin bref. Il a pas mal de pouvoir. C'est un empereur. Ce qui est gênant, c'est que c'est assez proche de la constitution de la Ve République. Donc, voilà son petit coup d'État. Alors sur sa politique elle-même, c'est un peu l'ancêtre du. Je vais faire caricatural, hein, mais c'est un peu l'ancêtre du ni droite ni gauche. Donc il a des influences contradictoires dans sa famille. Son frère ou cousin Napoléon. Non, son cousin Napoléon Jérôme, qui est limite socialiste. Sa femme, qui est ultra conservatrice, etc. Il est très influencé par un penseur qui s'appelle Saint-Simon. Qui s'est inquiété de la condition ouvrière et qui a eu comme conclusion à peu près que le salut viendrait de progrès techniques de la société. Et donc voilà, c'est là ces influences qui sont quand même surtout de droite. Et donc dans une société qui est encore assez différente, il va arriver avec l'idée en fait d'un état économique et technique. Où l'État doit surtout se préoccuper de ça et intervenir sur ça et laisser le reste, en fait, juste censurer le reste pour que ça bouge pas. Donc c'est un début de négation du politique, du culturel, etc., dans la politique, et de faire comme si, bon, c'était qu'une question de technique et d'économie, et l'économie, bien sûr, est une science, on le sait. Alors, ça se traduit par le développement du crédit et des chemins de fer. Donc, quel que soit le prix, hein, on exproprie à bout de bras et à tour de bras, etc. Et un développement forcé, et beaucoup trop précoce, même de l'avis de ceux qui le soutenaient, du libre-échange. Bon, le marché intérieur rattrapera cette erreur, mais ça amorce une crise qui va commencer dans les années 1870. Donc, je vais pas donner là, c'est extrêmement rapide, on ne comprend pas grand-chose parce que c'est juste le Second Empire, c'est pas notre période, c'est pour mettre un contexte. Alors, pas de détails sur la politique étrangère, parce que c'est pas important pour 70-79. La colonisation viendra après les années 1870. Mais on peut noter en gros qu'il y a eu des erreurs, une indécision, et il était malade, Napoléon III. Donc il perd le soutien des notables catholiques et des milieux d'affaires, dont il avait absolument besoin depuis son coup d'État, parce qu'ils ont peur de la concurrence britannique trop lourde. Et donc il est très affaibli, même dans son propre parti. Et même s'il a encore le soutien du peuple, il est contraint de lâcher des libertés de presse, d'expression dans l'Assemblée, d'association, de grève, etc. Alors donc il y a un blocage sur la question de l'armée. Les députés ne veulent pas voter les réformes de l'armée qu'il veut, parce qu'ils ont peur qu'il le fasse comme son oncle Napoléon Ier. Alors pour un gain de légitimité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un plébiscite. Approuvez-vous les nouvelles réformes de l'empereur? C'est absolument génial. Il a fait des réformes qui lui ont enlevé du pouvoir et il leur demande s'ils approuvent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? S'ils disent oui, ils aiment bien l'empereur et ils veulent qu'il ait plus de pouvoir ou bon, on comprend rien, les républicains disent votez pas, votez non. Finalement, 75% de oui, il dit j'ai retrouvé mon chiffre, c'est génial, il est super légitime. Alors, mais il y a l'ambiance contestataire qui persiste chez les républicains, avec deux camps, gauche plutôt socialiste, voire anarchiste et communiste, et les républicains conservateurs, plus puissant, mais qui s'évite jusque-là parce qu'ils sont tous les deux dans un régime autoritaire qu'ils doivent contester. Alors, dans son besoin de la faire amener au trône, il va continuer. Par rapport à une candidature au trône d'Espagne d'un mec de la famille de l'empereur d'Allemagne, un truc compliqué, Bismarck va provoquer Napoléon avec la dépêche d'Ems, c'est-à-dire, il va provoquer la presse française avec la dépêche d'Ems, c'est-à-dire qu'il va faire croire que l'ambassadeur de Napoléon a été insulté quasiment et que c'est un grand outrage pour la France. Donc la presse française va partir au quart de cour, pousser à la guerre, etc. Napoléon, il est plutôt content parce qu'il a ce qu'il voulait, c'est une occasion d'avoir de la légitimité et de faire comme tonton. Mais malheureusement, la guerre éclate. Et si Bismarck l'a provoqué, c'était pas pour rien. Il avait préparé le coup depuis 10 ans. La France est isolée diplomatiquement, elle a une infériorité numérique, logistique et de commandement, en partie parce que les députés avaient refusé ce que proposait Napoléon, mais aussi parce que Napoléon III était en fait assez incompétent au niveau militaire. Et donc c'est une série d'échecs humiliants. L'empereur parti au secours d'une armée assiégée est encerclé, il capitule pour éviter le massacre, il est fait prisonnier et il refuse de négocier dans ces conditions. Voilà, donc la guerre est perdue en même pas 3 mois, c'est un record depuis un sacré long moment. Et donc voilà, l'Empire est humilié. Alors Paris va en profiter pour proclamer la République, en jouant la carte de la naïveté, ils disent puisque l'empereur refuse de négocier, c'est qu'il doit abdiquer en fait, c'est qu'il veut plus être empereur. Donc voilà, tout simplement, ils se réunissent à l'hôtel de ville et ils proclament la République. Alors donc il y a deux remarques à faire. Alors l'échec politique de Napoléon III, c'est d'abord un échec social en fait. C'est sa politique soi-disant sociale, il parlait de l'extinction du paupérisme, etc. N'a pas marché parce qu'il avait besoin des élites et que les élites ne voulaient pas appliquer des réformes sociales. Ni les dépenses militaires. Mais surtout parce que le peuple de Paris, qui est encore décisif à cette époque, et ce sera un peu la dernière fois, même quelques mois après, il ne le sera plus, n'a pas été conquis par l'idée du césarisme démocratique, c'est-à-dire ce qui est l'idée de l'extrême droite depuis Jules César à peu près, c'est-à-dire alors on a un empereur fort, super autoritaire qui impose tout, mais il a l'appui du peuple. Alors c'est bien, c'est légitime. Voilà. Donc Paris n'était pas conquis parce qu'il y avait plein de socialistes, communistes qui pensaient en termes de propagande, etc. et qui se disaient c'est parce qu'ils comprennent pas. Alors, donc le second Robespierre est condamné sans appel. La personnalisation du pouvoir a pris un sérieux coup puisqu'on a fait une personnalisation autour de Napoléon III et qui s'est fait éclater par Bismarck, ce qui la fout mal. Et le gouvernement provisoire déclaré à Paris par la République se retrouve avec en fait une guerre sur les bras parce que Napoléon s'est fait éclater mais la guerre continue. Alors on en est là, et là ça va commencer l'histoire de la Troisième République. Alors donc les républicains tentent d'organiser la résistance. Gambetta notamment fait lever des armées en s'échappant de Paris en ballon, enfin un truc super rigolo. Et certains légitimistes aussi, on verra plus tard un peu c'est qui utilisent la garde mobile, donc c'est-à-dire il y a une résistance à l'armée allemande. Sauf que le problème, c'est que c'est une guerre contre un pays encore beaucoup plus puissant militairement. Donc la résistance de républicains et de fractions légitimistes, c'est quand même assez insuffisant. Donc les armées sont repoussées. Bazaine, qui était enfermé, celui que Napoléon allait sauver, capitule avec 200 000 hommes. Et il y a un refus d'aide encore des autres nations, alors que Adolphe Thiers était venu leur demander leur aide. Et donc voilà. Le gouvernement provisoire aussi échoue. Bismarck, le chancelier allemand, est en position de force, il est intraitable, et il impose des élections, alors que lui-même, il est dans un empire autoritaire, parce qu'il veut avoir un interlocuteur légitime. Les contradictions, ça n'existe pas en politique, il n'y a pas de problème. Alors, le monarchiste l'emporte, en fait, à ses élections, mais c'est un vote, en fait, défaitiste, parce que le peuple pense que la guerre est finie, que c'est perdu, il n'y a que les républicains qui y croient encore, et donc il vote pour la paix, pas pour un régime. Ils votent pour les monarchistes parce que les monarchistes veulent faire la paix avec les Allemands et après on verra. Pas parce qu'ils sont pour la monarchie. Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. En 1958, Charles de Gaulle fait accepter la 5e constitution qu'on a encore pour régler le problème de la guerre d'Algérie. Ça n'a aucune légitimité. On vit dans ce régime alors que même en 1870, on considérait que c'était pas légitime. Voilà, voilà. Donc la paix est signée par Thiers, qui est devenu le leader de la droite. Et donc les conditions sont assez défavorables, vu que voilà, on s'est un peu fait éclater. La conclusion de la paix. Alors. 5 milliards de francs or à verser à la France, à verser à l'Allemagne. Enfin, c'est devenu l'Allemagne, hein. C'était la Prusse. En 3 ans, normal. La France doit céder l'Alsace, le nord de la Lorraine et des bouts de la Moselle. Les endroits où il y a des gisements de fer super exploitables et des régions super industrielles. Donc en fait, économiquement, c'est un désastre. Et les Alsaciens et les Lorrains sont énervés parce que pour eux, ils sont français, ils ont pas envie de se faire déplacer en Allemagne juste comme ça. D'ailleurs, ça fait un petit peu l'opinion nationale a failli bouger à ce moment-là, mais finalement non, parce que ils sont républicains, la France, on va pas les aider quand même. Donc on arrive sur la période de la Commune et de la réaction à la Commune. Donc d'abord Paris et sa Commune, elle est d'abord due surtout à l'ambiance dans Paris et aux provocations. Il y a des mouvements socialistes révolutionnaires, des embryons de socialisme, de syndicalisme, de communisme, d'anarchisme. Il y a la Première Internationale des Travailleurs, il y a même des républicains purs. Donc en fait, Paris n'est pas du tout acquise à la paix ni aux monarchistes. Et aussi, il y a une ambiance de siège, c'est une pathologie carrément. Il y a des symptômes, c'est la paranoïa, une très forte unité et d'autres choses. Mais c'est des symptômes très spéciaux parce qu'ils ont été en siège pendant 4 mois, en plein hiver. Donc ils ont fini par manger des rats, les animaux des eaux, etc. Donc ils sont remontés et ils sont tous ensemble. Il va y avoir un événement déclencheur. Dans les clauses pour la paix, les Allemands ont défilé dans Paris, ce qui a particulièrement énervé les Parisiens, parce que Paris ne s'est jamais rendu et a toujours résisté. Et juste après ça, Thiers va demander à retirer les canons de la Commune, enfin les canons sur la butte Montmartre. Et c'est-à-dire que ces canons, c'est des canons qui avaient été payés par les Parisiens, donc c'est un vol, qui avaient été utilisés pour défendre Paris. Alors que eux ont abdiqué, donc symboliquement, c'est quand même une insulte. Ils venaient de subir une humiliation et on continue de les emmerder. Et en plus, on sait très bien que c'est parce qu'on a peur de Paris et qu'on veut les réprimer et qu'on a besoin de leur enlever ces canons et de les avoir pour leur taper dessus. Donc forcément, ça passe mal. Il y a un soulèvement. L'armée aussi est conquise par les Parisiens et décide de se retourner. Et donc Paris se déclare autonome. Alors, qui sont les communards? C'est plus des sans-culottes que des militants du XXe siècle. Il y a assez peu d'ouvriers de l'industrie. C'est surtout des artisans, des petits patrons, des petits bourgeois, profession libérale, écrivains, intellectuels, etc. Et c'est alors une partie des républicains purs, mais surtout ce que j'ai dit, c'est-à-dire les socialismes révolutionnaires, les débuts de syndicalisme, des anarchistes et deux marxistes, on va dire. Alors donc ils encouragent, alors il y a des longs débats là dans cette période. Alors oui, une des raisons aussi c'est que les Parisiens savaient qu'ils allaient plus pouvoir parler, alors que pendant le siège il y avait une libéralisation et même du féminisme. Enfin c'était, les gens pouvaient parler de ce qu'ils voulaient, c'était assez spécial vu qu'on sortait du Second Empire. Alors donc, il y avait une entente entre anarchistes et communistes, entre anarchistes et blanquistes, c'est-à-dire les jacobins, ceux qui pensent que Paris doit faire un changement de société et l'imposer depuis le haut à toute la France parce que c'est une avant-garde. Et donc bizarrement, ils vont s'entendre, alors que ça paraît impossible. Finalement, c'est les anarchistes qui sont pourtant minoritaires qui vont faire admettre leur point de vue, c'est-à-dire que la commune doit encourager à ce qu'il y ait des communes. C'est un modèle fédéraliste, il doit y avoir des communes dans toutes les villes de France et ça doit être du coup autonome dans chaque ville et un soulèvement presque démocratique en fait. Alors malheureusement ça va échouer puisque les communes de Lyon, Le Creusot, d'Alger, Saint-Étienne, etc. il va y en avoir, mais elles vont être facilement réprimées parce que l'armée a été surtout placée par Napoléon dans ces villes là et écartée de Paris parce que Paris pouvait convertir l'armée à sa cause. Et voilà, la commune de Paris se retrouve seule. Et elle va expérimenter des choses, en fait, ça va être une avant-garde progressive. La séparation de l'Église et de l'État est déclarée par la commune. C'est des choses qui vont être dans le programme de la Troisième République beaucoup plus tard. L'éducation laïque gratuite obligatoire. Niveau social, peu de réformes, interdiction du travail de nuit pour les boulangers, des débuts d'autorisation de syndicalisme, etc. Mais là-dessus, sur le niveau culturel, on va dire, et politique, c'est des grandes avancées. Et suppression du moratoire des loyers, c'est-à-dire on n'a plus à payer notre loyer. Ça, c'est sympa. Alors, de toute manière, ils sortaient d'un siège, ils n'avaient pas de quoi le payer. Hein. On était juste là pour exproprier des ouvriers. Enfin, on avait enlevé le moratoire des loyers juste pour virer les ouvriers de Paris. Alors, c'est fait maintenant, hein. Presque. Alors, elles sont perçues comme des émeutes, en fait, dans le reste de la France, comme une jacquerie, enfin, un soulèvement de gueux qui veulent juste tuer des gens, une trahison à la France, même à la République, en fait. Donc, chez les royalistes et chez les républicains de droite, qui sont ceux qui sont au pouvoir, elle est perçue comme ça. Et même Jules Grévy, qui sera président de la Troisième République, avait voté pour la répression de la Commune. L'Assemblée nationale est à Bordeaux. Ils ont fait exprès de la mettre là. C'est un peu le bordel, hein, c'est normal. Je l'ai fait en dernier moment. Donc il y a une répression, hein. Je pense que on le sait, la Commune, on n'allait pas la laisser comme ça. L'armée préparée par Thiers, libérée par Bismarck, c'est fait de gens libérés par Bismarck et de paysans qui ont du ressentiment envers les Parisiens. Donc une répression très très dure. Ils rentrent par l'Ouest, l'Ouest qui est de Paris, qui est grand bourgeois et qui s'ouvre assez facilement. Les historiens sont divisés, mais le chiffre qui commence à s'imposer, c'est 7000 morts dans les affrontements eux-mêmes. C'est entre 7 et 30 000, hein, mais c'est probablement 7 000. Mais de toute manière, il y aura autour de 45 000 arrestations, une quinzaine de milliers de fusillés. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus violent que ce qu'avait été la terreur en 1792. Et pourtant, ça avait été le thème de la droite, même républicaine, contre le socialisme et la terreur, etc. C'est pas bien. Donc Paris est vaincu, et c'est la fin d'un mode de révolution en fait, puisque normalement c'était Paris qui imposait sa révolution depuis le haut, et cette fois c'est perdu, et c'est un changement majeur. La France ne peut plus se faire dicter son destin par Paris. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est plutôt la dernière révolution du 19e siècle, plutôt que la première du 20e siècle. D'abord la composition sociale, c'est-à-dire c'est pas tellement des ouvriers, c'est surtout des petits bourgeois, des petits patrons, plus proches du sans-culotte, et cette question de Paris qui perd son rôle de meneur. Alors pourtant Thiers, alors qu'il a fait sa jolie petite répression, il commence à pencher vers Adolphe Thiers. Hein, c'est un historien qui est devenu un homme politique très important. En plus de prouver qu'il est en train de pencher vers la République, parce que déjà il vient de prouver qu'elle peut être conservatrice, vu qu'elle vient de faire un joli massacre dans l'extrême gauche. Et ensuite, il y a 99, sur les élections partielles de 1871, c'est-à-dire des députés, soit qui sont morts, soit qui ont démissionné, soit des députés qui avaient été élus deux fois, donc ils ont laissé une place, il y avait 114 députés qui devaient encore être élus, et il y a eu 99 républicains sur cela. Donc ils commencent à se dire que la République va probablement gagner, et que tant qu'à faire, autant en être le chef. En même temps, ça fait très peur, ça fait évidemment très peur aux royalistes, ce chiffre. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre les paysans, tout simplement, parce que si la France était royaliste, c'est parce qu'elle était majoritairement rurale, donc conservatrice. Mais ils sont partagés, en fait. Parce que, alors d'abord, pour une raison, c'est parce qu'ils ne veulent pas que la monarchie naisse d'une défaite, comme elle l'avait fait en 1814. À la défaite de Napoléon Ier. Là, ils veulent pas qu'on perde à cause de 1870 et que la monarchie soit ceux qui se sont couchés face à l'Allemagne et qui derrière ont instauré leur régime. Par contre, ils sont pressés de restaurer la monarchie parce qu'ils sentent qu'ils vont pas garder le pouvoir très longtemps et que les républicains vont prendre le pouvoir. Alors, ils choisissent d'écarter Thiers. Ça semble, c'était finalement assez logique parce qu'il était trop ambigu et populaire. Et il voulait utiliser en fait la conjonction des centres, c'est-à-dire, on verra plus tard qui c'est, mais les orléanistes, donc les monarchistes modérés, et les républicains de droite. Donc ils envoient Mac Mahon, et on se demande s'il y a une restauration en vue. On arrive dans la période de l'ordre moral. C'est normal que ce soit assez chiant parce qu'en fait c'est le début d'une politique politicienne. Hein. Tout ça c'est que de la stratégie politique, c'est comme ça que s'est formée la Troisième République, hein, qui est la base de notre République. C'est une question de stratégie politique. Alors donc pour le programme du nouveau MacMahon, qui était un général catholique, alors c'est le président et ce qu'il déclare après son élection, c'est « Avec l'aide de Dieu, le dévouement de l'armée qui sera toujours l'armée de la loi et l'appui des honnêtes gens, nous continuerons ensemble l'œuvre de la libération du territoire et du rétablissement de l'ordre moral. » Bon, vous avez le programme des royalistes. Donc un retour du catholicisme, il y a un pape particulièrement réactionnaire et intransigeant qui s'appelle Pie IX et qui publie des trucs pour dire que la démocratie et la république c'est mal, que le libéralisme économique c'est mal, que d'ailleurs tout ce qui n'est pas féodaliste, le marché intérieur économiquement c'est mal aussi, en fait tout ce qui n'est pas féodaliste économiquement c'est mal, en fait tout ce qui est nouveau c'est mal. Je ne caricature pas, alors je caricature souvent mais là, cette fois je caricature pas, c'est vraiment ce qu'il raconte. Alors, donc on bâtit le Sacré-Cœur pour expier les péchés de la commune sur la butte Montmartre. Hein, il y a encore. Hein. Alors j'espère qu'on se sent coupable hein, de cette horrible trahison. Alors, et puis au niveau plus concret de la répression, on met des entraves au enterrement civil, on interdit la commémoration du 14 juillet, du 21 septembre, c'est une référence à 1792. Du 4 septembre et dans le midi socialiste, les festivités de Marianne, en fait tout ce qui peut évoquer la République un petit peu anticléricale. Anticléricale, c'est contre le clergé, c'est contre Dieu. Enfin, contre le clergé, certains sont, beaucoup sont contre Dieu. Alors donc en faisant tout ça, par contre, le problème c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de... qu'ils sont en République. Qu'en fait, de fait, ils sont républicains. Les monarchistes qui sont à la tête de la République sont républicains. Donc en fait, ils sont en train de rassurer les paysans en montrant que la République peut être conservatrice. Et ils sont en train de mâcher le travail de propagande que vont avoir à faire les républicains conservateurs. Et en plus, ils se les aliènent parce qu'ils rappellent l'Empire autoritaire, parce qu'il a des méthodes assez autoritaires et qu'il utilise le système de Napoléon, des préfets, etc. Donc c'est un échec cuisant en termes de stratégie politique. Et alors oui, je parle encore de stratégie politique, il n'y a pas d'idéologie à cette époque, hein. Enfin, des trucs super simplistes, eux ils sont catholiques, les autres le sont pas, hein. C'est une question de stratégie. Alors, on se retrouve aussi avec le gros problème des royalistes, c'est qu'il y a un débat entre orléanistes et légitimistes. Donc je vais faire des détails caricaturaux, mais finalement ça va jouer, bon bref. Les orléanistes, c'est la grande bourgeoisie surtout. Qui est pour une monarchie constitutionnelle, parlementariste, avec un roi relativement fort, mais qui a surtout des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire diplomatiques, militaires, garant de l'ordre, et voilà, qui s'occupe pas trop d'économie, on va dire. Enfin, qui peut faire des trucs économiques, mais seulement sur l'ordre de la grande bourgeoisie. Donc c'est surtout la bourgeoisie industrielle et les milieux de la banque et de la finance. De l'autre côté, il y a les légitimistes qui sont eux plus ancien régime, voire encore plus catholiques que ça, qui sont pour l'ordre moral, la restauration du catholicisme, parce que c'est des grands propriétaires fonciers et qu'ils ont besoin de la légitimité de la propriété. Et leur légitimité, elle est parce que c'est des nobles. Donc, logiquement, c'est normal qu'ils puissent exploiter les paysans. Voyons. Donc voilà, c'est ce que Marx entend en disant que ça va être déterminé par les conditions matérielles d'existence. C'est pas seulement qu'on va être déterminé par est-ce qu'on est riche ou non, mais c'est de quoi on a besoin. Quel système d'éthique, on va dire, justifie notre position dans la société. Et donc si je donne des détails caricaturés, c'est parce que évidemment on peut affiner, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait c'est leur orientation. Ils sont un groupe, donc ça c'est leur orientation, et quand ils se forment en tant que classe, c'est comme ça qu'ils vont être, des propriétaires fonciers et de l'autre côté une bourgeoisie industrielle et bancaire. Sauf que là, comme il y a le danger républicain, ils sont à peu près unis par le rejet, des partagés, etc. Mais les orléanistes vont finir par être conquis et c'est là qu'ils vont perdre. Alors, notamment là-dessus, c'est Gambetta qui va être particulièrement adroit pour utiliser à fond cette division qui est très profonde. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer sur ses rivalités. D'abord, le duc de Broglie, qui est un orléaniste particulièrement puissant politiquement et particulièrement habile, il devient très gênant pour les républicains, donc il va le faire chuter en s'appuyant sur la haine qu'ont les légitimistes pour les compromis des orléanistes. Donc il va faire un pacte avec l'extrême droite pour faire chuter les orléanistes. Et juste derrière ça, une fois qu'il n'y a plus Broglie, il va avoir besoin d'une sorte de constitution, ça va être que des lois constitutionnelles, et là il va faire une alliance de centre en disant aux orléanistes, voilà, maintenant vous n'avez plus le choix, on est obligé de faire une alliance de la droite républicaine avec les orléanistes. Donc voilà, de fait, ils sont obligés d'être républicains, les orléanistes. Gambetta les a eus. Donc il y a des lois constitutionnelles qui vont en fait, qui sont pas une constitution, qui sont juste des lois, mais qui vont être la base du régime qui va durer de 1870 à 1940. Donc 70 ans de régime décidé sur un gros bordel politique et des stratégies. Ne vous inquiétez pas, celle de 1958, c'est pas tellement différent. Alors, il va y avoir un président de la République qui va durer 7 ans, qui aura des mandats de 7 ans, alors ça restera longtemps. Ses pouvoirs sont assez ambigus, donc il a l'initiative des lois, mais c'est concurremment avec les chambres. Il contrôle le législatif par son droit de dissolution, mais ça, il va y avoir des jurisprudences. Donc est-ce que finalement le président va dominer l'Assemblée ou non, ça va être une question de pratique et de tradition. Et finalement, non, l'Assemblée va être plutôt libre. Si la Chambre des députés... alors, il y a une Chambre des députés, élue au suffrage universel, mais le Sénat la domine, parce qu'il y a quand même les monarchistes qui essaient d'obtenir leur petit truc. Le Sénat, c'est un truc de droite, généralement. Enfin, c'est un truc qui, concrètement, est monarchiste. 75 seront nommés par l'Assemblée, et 225 élus. Mais en général, les paysans votent au Sénat pour des conservateurs, des notables ou des grands propriétaires fonciers. Ce qui est à peu près la même chose finalement. Alors à part le suffrage universel, on est à peu près dans l'orléanisme. Hein, et on va y rester longtemps. C'est-à-dire la monarchie de Juillet. J'aurais peut-être pas dû prendre une période aussi longue parce que ça va un peu trop vite, mais bon. Alors, voilà, Gambetta a réussi son bidule. Donc on va rentrer dans la victoire, dans les gagnants en fait, dans la victoire républicaine, et c'est là qu'on va vraiment avoir les déterminismes de notre régime. Donc avec quoi ils vont gagner les républicains? Ben d'abord avec de la propagande. Il va y avoir l'anticléricalisme en ciment de la gauche et de la droite républicaine. C'est-à-dire qu'on va opposer le cléricalisme parce qu'il y a un retour du clergé, etc., et que les républicains, finalement, en ont assez peur. On va l'opposer au patriotisme et à la citoyenneté, en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'universalisme après pour justifier la laïcité, mais au début, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que on est trop fidèle à Rome et à l'idéal chrétien quand le clergé est fort. Si on veut des citoyens et des patriotes, il faut se débarrasser de l'Église. Et c'est aussi un groupe de pression conservateur qui est très relou pour les républicains, donc niveau stratégie politique, il vaut mieux s'en débarrasser. Donc les voilà à peu près unis, et les députés de... Et de toute manière, l'extrême gauche aurait eu du mal, vu qu'elle venait d'être un petit peu massacrée à la Commune, elle aurait eu du mal à avoir un vrai poids face à la droite républicaine, donc elle était un peu obligée de s'allier. Donc les républicains de tous bords vont faire un énorme effort de propagande pour les élections, en jouant sur... Ah ok. Alors c'est de la propagande, je le dis ouvertement, actuellement on est aussi dans la propagande, je dis ce mot sans connotation, hein, mais... Alors concrètement, il y a beaucoup de mensonges, c'est-à-dire faire croire que les légitimistes veulent revenir à la taille, à la dîme, enfin des trucs féodalistes dont ils veulent plus, qui veulent ramener l'Église d'une manière encore plus violente qu'on le dit. Ouais, enfin bon, je vais pas trop m'attarder, mais oui, voilà, on en est à peu près là. Les francs-maçons sont particulièrement présents à cette époque. Hein. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, j'y connais pas grand-chose, mais voilà, c'est à ce moment-là que ça commence, notre régime. Alors, pour la situation, alors j'ai pas pu faire d'histoire sociale parce qu'on n'a pas le temps en 25 minutes de vous exposer un petit peu comment ça marche la France, mais en gros on est dans une crise, autant qu'une mutation. on est dans une crypte autant que dans une mutation. Il y a un exode rural, puisque les progrès ruraux qu'on a vus pendant le Second Empire étaient juste conjoncturels, en fait, c'était juste une hausse des prix et pas vraiment des progrès techniques. Donc il y a une crise avec la baisse de prix, parce qu'il y a des trop bonnes récoltes. S'il y a des crises au niveau agricole, quand il y a des trop bonnes récoltes, enfin en tout cas à cette époque, c'est parce que il y a trop d'offres, du coup ils sont obligés de baisser les prix, sauf que les gens mangent pas 4 kilos de pain, donc ça fait pas assez d'argent pour les paysans. Alors donc il y a une panne de croissance, en plus l'argent de la guerre et la peur des régions industrielles de l'Est. L'argent de la guerre sera payé par un emprunt de la France à son peuple, au peuple français qui s'empressera de payer, mais ça coûte cher, voilà. Le coût de la libéralisation, puisqu'il y a beaucoup de capitaux qui ont été expatriés, et des grands travaux, c'est-à-dire les trucs d'Haussmann, le chemin de fer, etc. Donc on se retrouve dans une situation économique très difficile, conditions ouvrières qui se détériorent, et surtout les secteurs, et surtout alors les artisans vont plutôt bien, mais dans les secteurs qui grandissent et qui vont grandir, c'est-à-dire l'industrie, le coton, etc., le textile, etc., c'est de pire en pire et il y a de plus en plus de monde. Et à cette époque, tout le monde s'en fout parce qu'on est tous trop occupés avec de la stratégie politique. À part la gauche radicale, mais personne ne l'écoute et elle est trop peu nombreuse. Donc oui, et la situation, oui, on s'en occupe encore moins que pendant l'Empire de Napoléon. Hein. Donc nous voilà là, il y a une inquiétude et en fait ce qui va se passer, c'est le début de la République, c'est qu'il va y avoir l'apparition des couches nouvelles, de ce qu'on appelle les couches nouvelles, enfin ce que la droite républicaine appelle les couches nouvelles, qui peut être en fait un changement, parce que la paysannerie veut finalement un changement parce qu'il y a une crise, etc., mais qui va être rassurant, puisqu'il il s'est montré conservateur pendant toute la période que je vous ai décrite. Alors, je vais vous lire un petit passage sur Gambetta. Alors, c'est assez rigolo, si ça vous rappelle Macron ou même n'importe quel responsable politique de l'époque, c'est normal. Hein. On est en 1871, mais voilà. Alors, il présente alors la République comme un régime de réconciliation, réparateur, répudie l'analyse longtemps soutenue par les républicains d'une opposition entre les villes républicaines et civilisées et les campagnes attardées. De fait, c'est vrai, hein, cette opposition. Mais bon, l'important, c'est que le peuple t'aime bien. Et écarte résolument l'idée d'une dictature de Paris, brandie par les communards. À ses yeux, une priorité domine en effet toutes les autres. Il faut conquérir les campagnes où se trouve la clé de la majorité dans un régime de suffrage universel. Il faut donc entreprendre leur éducation politique pour les arracher à l'influence des notables monarchistes ou bonapartistes. C'est pas pour les émanciper de quoi que ce soit d'autre que la tutelle de ses ennemis politiques. Hein. Et les lois de Ferry qu'on vous vante, c'est un peu la même idée. Hein. Et des raisons économiques. Alors, mais la République a de fond doit être sage pour ne pas effrayer les propriétaires ruraux qui forment l'armature profonde du corps social. C'est aux paysans, dit-il, qu'il faut s'adresser sans relâche, c'est eux qu'il faut relever et instruire. Gambetta insiste alors sur quelques thèmes. Le paysan est le fils de la Révolution, qu'il a affranchi de la féodalité et a étendu son emprise sur la terre. Ok, bon voilà, alors ils sont anti-féodalistes, etc., etc. Il brandit le spectre rouge. Ah non, en fait, non, tout va bien. Ah oui, alors non, il joue pas sur la peur sociale. Le seul avantage, c'est qu'on ne brandit pas le spectre rouge et les partageux et les sales communistes. Ça, c'est l'avantage. Et l'idée, c'est que le capital et le travail se fécondent l'un par l'autre et qu'il n'y a pas d'antagonisme de classe. Voilà, voilà, si ça vous rappelle Macron, c'est normal. Quoi ? C'est sa grande inspiration. Ah non, c'était déjà archaïque en 1871. Alors, petite clarification, la théorie de la lutte des classes, c'est François Guizot, donc c'est un homme de droite, un historien, qui parle de 5 millions d'histoires, donc il décrit une constante. Ça ne peut pas être obsolète juste parce qu'on a mis le suffrage universel. Il faudrait un peu plus d'arguments que ça. Et en plus, ça peut pas être une théorie de la gauche archaïque, puisque c'est fondé par la droite et c'est accepté par des gens comme Warren Buffett ou des trucs comme ça. La théorie de la lutte des classes, c'est pas un truc de gauche. Hein. Enfin, c'est un truc neutre qui peut être pris par la gauche comme par la droite. C'est une théorie sur comment fonctionne l'histoire. Voilà pour la petite clarification. Alors, donc, la transition sociale s'appuie sur une nouvelle forme de conservatisme. Mais un conservatisme, c'est-à-dire qu'on va préserver une hiérarchie et un ordre, simplement il a changé. C'est une adaptation de société où le projet de l'émancipation est surtout celui envers l'Église. c'est l'homme qui doit se séparer de l'Église. On ne pose pas tellement la question sociale à l'époque. Et c'est pas étonnant qu'on ne se la pose pas tellement dans toute la suite de la République. Alors évidemment, c'est aussi la République du Front Populaire, mais bon, on n'est pas entièrement défini par nos origines et les constitutions, etc. Alors, donc la gauche est trop affaiblie pour les bousculer, elle doit se contenter de suivre. Donc là, on n'a plus beaucoup de temps, je vais faire un bilan assez caricatural. Vous êtes vulnérable parce que vous connaissez probablement pas l'époque, donc mes interprétations, vous allez devoir les recevoir comme des explications, hein, sans plus que ça. Mais alors d'abord, c'est que ce qu'il y a à retenir, c'est que la Troisième République, c'est une héritière de tous les régimes, sous des aspects différents. Quand on dit que le monde est déterminé par les modes de production, ça ne veut pas dire par le mode de production en place, ça ne veut pas dire par le capitalisme, ça veut dire par tous les modes de production. Il y a des structures de féodalisme ou même de l'esclavagisme qui vont rester. Et la Troisième République ne va pas toutes les détruire. C'est une héritière de tous les régimes, donc elle va garder des notables, des systèmes de coercition, de maintien de l'ordre, etc., qui datent d'avant. Elle va garder des héritages, même si elle se proclame républicaine, anticléricale, tout ce qu'elle veut, elle va maintenir des héritages de l'Ancien Régime, de la Restauration, de l'Empire, de la Monarchie de Juillet. Alors, ensuite, ordre et idéologie. Alors voilà, la principale idéologie, c'est celle de l'idée qu'il y a un ordre et que les idéologies viennent après. Donc en fait, alors je vais lire une petite page. Certes, la grande bourgeoisie offre des traits communs. L'empire lui offre... Pardon, je me suis trompé. Alors, les divisions idéologiques demeurent essentielles. Elles mettent en cause deux conceptions opposées du monde et de l'homme, parmi les républicains. Les uns continuent à croire aux lumières, aux progrès, et professent une vue optimiste de l'évolution des sociétés. Ils ne séparent donc pas du bloc du tiers-état face aux élites traditionnelles et sont fidèles à l'esprit de la Révolution française. Les autres sont plus conservateurs que libéraux, plus attachés à l'ordre des sociétés qu'à la liberté des individus. Ils professent une vision pessimiste de l'histoire que fortifie l'enseignement de l'Église et l'expérience du temps. De la formule arléaniste « ordre et liberté », de la devise positiviste « ordre et progrès », ils retiennent plus volontiers le premier terme « ordre ». On est aux origines de cette division des centres qui est bien l'une des clés de l'histoire du régime. Donc le maintien de l'ordre vient avant tous les désaccords contingents sur des questions sociales. Donc ensuite, enfin, on a une impression déjà vue sur cette période, mais c'est pas parce que c'est une classe politique un petit peu prophétique ou... Non. Bon, alors on peut se demander si c'est une classe politique un petit peu prophétique ou si c'est simplement des structures qu'ils ont réussi à maintenir. Et la question des modes de production. Alors voilà, pour l'essence du régime, c'est que c'est le régime de soi-disant de la moyenne bourgeoisie. C'est le régime de la haute bourgeoisie, selon beaucoup. Alors on va faire un petit peu de... Je suis complètement perdu dans mes notes, vous inquiétez pas. De cette haute bourgeoisie, Gambetta distinguait la bourgeoisie plus moyenne. Je ferai un meilleur cours la prochaine fois si j'en fais. Alors, de cette bourgeoisie, Gambetta distinguait la bourgeoisie plus moyenne. Cette couche sociale nouvelle dont à Grenoble, en septembre 1872, il avait annoncé l'avènement. L'intelligence politique des républicains qui veut faire leur les aspirations de ces classes moyennes, dont les transformations économiques et sociales du Second Empire avaient accru l'importance. Sans doute la notion de nouvelle couche ou de classe moyenne est-elle floue. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent en place la critique qu'on va les appeler République bourgeoise. Maintenant on appelle ça caricatural, mais c'est eux qui l'ont mise en place, cette vision. Hein. Elle va des petits industriels, des négociants, des membres de professions libérales, à cette immense virtualité bourgeoise qui se presse entre la bourgeoisie affirmée et le peuple ouvrier et paysan. Boutiquiers, artisans à leur compte, petits entrepreneurs en bâtiment, employés, petits fonctionnaires. Mais ce monde si divers est animé par des aspirations communes, ascension sociale, promotion politique, qui s'affirment par une intensité toute particulière dans les assemblées locales. Alors voilà, ces histoires comme quoi maintenant la bourgeoisie n'est plus une classe parce qu'elle est divisée en je sais pas combien de trucs, c'était déjà la même chose avant. De toute manière, quand on dit des trucs comme quoi c'était pas pareil avant ou comme quoi c'était mieux avant, c'est qu'on connaît mal le passé. Alors, des questions ? Merci déjà pour le cours d'histoire. J'avais jamais eu un cours d'histoire sur cette période-là. J'avais jamais eu un cours d'histoire aussi rock'n'roll aussi. Voilà, c'est pour la petite private joke. Alors, sur les histoires de cette période, c'est pas un hasard si la République naît au 19e siècle et que l'école de la République reste soigneusement très loin du 19e siècle. Hein, on veut pas connaître nos déterminismes et nos structures. Ok. Tu. Et juste un petit détail, dans ce que tu as dit sur le pape qui disait que le libre-échange c'est mal, la révolution technologique c'est mal, la révolution industrielle c'est mal. Il l'a vraiment dit comme ça en plus, et c'est pour ça qu'il s'est frité avec qu'on est arrivé à la laïcité en France. C'est-à-dire que c'était un frein au développement économique. Il s'appelait Pie IX, si ça vous intéresse. C'était un pape assez rigolo qui nous a permis, en effet, d'avoir la laïcité. Par rapport à la période de la Commune, moi j'ai découvert en fait aujourd'hui qu'il y avait une Commune à Alger, je savais pas, et qu'il y en avait plusieurs en fait. Et la question que je vais poser, c'est combien de temps ça a duré cette période de la Commune, et quelles étaient la relation entre les différentes communes, et qui promulguait les lois qui ont ensuite été en partie reprises, comme tu l'as dit, comme les exemples que tu as cités. Et puis deuxième question, comme t'as évoqué à plusieurs reprises le concept de propagande, et comment à cette époque en fait elle se diffusait auprès des populations, parce que je pense pas qu'il y avait des médias encore, ou alors voilà, comment ça se passait en fait au niveau de la propagande, puisque je pense que sur ce point par exemple l'Église avait un réseau avec les prêtres etc. qui pouvaient véhiculer donc toute la culture chrétienne. Mais ceux qui se sont opposés à eux, notamment ceux que tu nommes, je crois que les orléanistes, si j'ai bien compris, comment est-ce qu'ils ont pu justement diffuser leur propre culture ? Alors, sur l'organisation des communes, tu vas être assez déçu. Alors, Alger, c'est juste des soulèvements, en fait. Enfin, c'est-à-dire que toutes les communes non parisiennes, c'est des débuts soulèvements de la gauche radicale pour une autonomie. Alors, Alger, je connais mal, ça devait être un petit peu différent. Il devait aussi avoir des histoires d'indépendance vis-à-vis de la métropole. Mais ça a été très rapidement écrasé. Hein. Genre, entre 1 et 3 jours, ça dépend des villes, mais c'était pas. On ne peut pas considérer que c'était vraiment des communes. C'était juste des tentatives de communes, on va dire. Et, du coup, pas beaucoup de communication. Alors, au niveau des votes et comment ça s'est fait, alors c'était assez bordélique. Finalement, il y a eu une assemblée élue. En fait, il y a eu des élections municipales, tout simplement. Et il y a eu une assemblée avec, je ne sais plus exactement des chiffres, mais il y avait une bonne fraction de républicains purs, mais qui ont fini par se retirer parce qu'ils disaient « Oh là là, ils sont trop tarés, ces mecs ». Une bonne fraction d'anarchistes ou de proudhoniens, voilà, quelques syndicalistes, 2 marxistes, etc. Et donc on s'est retrouvé avec une assemblée qui avait des débats et qui actait des lois. Mais en même temps, en un an, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Enfin, c'est-à-dire que, même pas un an hein, d'ailleurs, en quelques mois, ils ont fait passer un nombre de lois qui pourtant étaient vraiment pas bêtes du tout. Qui est très impressionnant par rapport au temps qu'il a fallu à la Troisième République pour les mettre. Alors, il y a eu des débats, il y a aussi eu des débats très poussés, du genre par exemple sur le féminisme, il y avait Louise Michel qui était très présente à cette époque, et il y a eu des débats très poussés, mais malheureusement, aucune loi votée, aucun truc acté. Mais c'était des milieux très machistes, donc c'était assez surprenant qu'il y ait quelque chose. Maintenant, sur la propagande et la diffusion de cette propagande, alors ça dépend justement du groupe qui soutient, c'est-à-dire que les républicains purs de droite ou de gauche, c'est du porte-à-porte en fait, ils vont en voiture dans toute la France, haranguer, tracter, enfin distribuer des tracts, parler aux gens, les convaincre, qu'ils soient convaincus ou non, s'ils sont convaincus pour les convaincre de convaincre d'autres gens, ou même quand ils ne le sont pas, de convaincre d'autres gens. Des journaux, non, il n'y a plus beaucoup de journaux parce que le Second Empire avait fait un bon travail là-dessus, mais quelques journaux qui diffusaient des idées démocratiques, enfin républicaines, et ils vendaient de la démocratie pour faire passer la République, on va dire. L'Église avait son réseau, les notables avec son réseau, mais justement, il est en déclin parce que le Second Empire, et c'est pour ça que c'est dommage que je puisse pas vous parler d'histoire sociale. Le Second Empire a contribué au développement économique qui était un développement individualiste, méritocratique et libéraliste. Liberté d'entreprendre, dans le sens liberté d'entreprendre. Et du coup, il y avait un individualisme fort Et c'est pas, ça a pas mal pénétré même jusqu'à la paysannerie. Et du coup, quand les paysans écoutaient les notables et les prêtres, etc., il y avait de plus en plus de cant à soi. Genre, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi ? Et du coup, elle était de moins en moins efficace, leur propagande, parce qu'elle était idéaliste, dans le sens pur, c'est-à-dire les idéaux, le catholicisme, le Christ, la monarchie, etc. Donc la propagande, voilà. C'était comme ça que ça se passait, et finalement, les républicains ont gagné grâce au travail d'individualisme qui a été fait par le Second Empire. Alors, sur le thème des écoles et des universités, je connais pas très bien. Faudrait lire l'éducation au 19e siècle. Il y a un livre, je sais plus de qui, mais qui est bien en temps plus supérin. C'était partagé. Il y avait des luttes, en fait. Les catholiques voulaient la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire la liberté d'endoctriner avec du catholicisme. Mais à part ça, c'était des universités très conservatrices encore. Hein. C'était surtout de la mémoire, etc. On apprenait surtout du droit, c'était ça les trucs prestigieux. Et on évitait toutes sortes de... Le positivisme viendra... Enfin, les effets du positivisme viendront plus tard, mais on évitait les changements de méthode, les réflexions sur... les réflexions plus poussées. On était surtout dans la préservation des savoirs. Oui, rebonjour. Il me semble pas que vous ayez parlé dans l'œuvre de la Commune de la séparation de l'Église et de l'État. 1871, ne pas oublier que 1905. Alors je l'ai dit, mais j'allais beaucoup trop vite. J'ai résumé la Commune en 5 minutes. C'était forcément un petit peu difficile de tout mettre, enfin de tout entendre. Donc oui, séparation de l'Église et de l'État sous la Commune. Moi, j'aurais voulu savoir, j'étais très mauvais à l'école en histoire, et qu'est-ce qu'ils racontent dans les livres d'histoire sur cette Troisième République ? Parce que toi, comment tu nous en parles, ça paraît très compliqué. Je suppose que... Enfin, je sais pas du tout ce qu'ils en disent et comment ils ont réussi à tourner ça d'une certaine manière. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, l'avantage, c'est que les historiens commencent à perdre de l'ampleur, en fait, à cette époque. C'est-à-dire, Adolphe Thiers était historien, François Guizot, qui a été ministre de Louis-Philippe pendant 8 ans, extrêmement influent, était historien. Ils avaient encore beaucoup de puissance, et leur déclin commence à cette époque. Donc, finalement, on s'occupe plus tellement... Et Jules Michelet aussi, qui avait été très important dans les mouvements révolutionnaires, même s'il n'était pas non plus un grand révolutionnaire. Mais on n'a plus tellement à s'occuper de ce que racontent les historiens, et du coup ils ont plus de place pour dire ce qu'ils veulent. Par exemple, André Siegfried, qui est un sociologue et historien contemporain, décrit les républicains qui vont suivre la génération de Gambetta et Ferry comme une nouvelle génération distincte des ancêtres républicains qui, nés dans le régime, n'avaient pas eu à souffrir pour le fonder. Les historiens vont être assez critiques de cette République, mais en même temps, c'est aussi parce que maintenant, ils ont le droit, donc ils vont pas s'en priver. Et c'est clair que c'est surtout une question de stratégie politique, comment se déroule cette Troisième République. Et quand on est dans de la stratégie politique, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais le monde marche pas comme ça, il y a des réalités sociales derrière. Voilà. Alors après, sur la Troisième République elle-même... Enfin, sur l'écriture, l'historiographie contemporaine sur la Troisième République, c'est très varié, mais c'est assez critique parce que c'est la période coloniale. Alors là, je vous ai parlé de la période juste avant, mais c'est la période ultracoloniale de Ferry, etc. Donc forcément, on va pas leur faire des cadeaux. Sauf si c'est Laurent Deutsch ou Éric Zemmour, mais voilà. Ils se retrouvent dans les rayons histoire de la FNAC maintenant, hein, que vous sachiez. Maintenant, c'est considéré des historiens. Merci. Je n'ai pas vraiment de questions. Enfin, déjà, bon, je veux dire merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est vraiment des phases. En fait, moi, qui m'aurais vraiment intéressé d'apprendre ça à l'école. Et c'est là où on apprend, où on se remet en question, etc. Alors qu'à l'école, pour moi, en histoire, j'ai l'impression d'avoir appris que avant c'était pas bien et maintenant c'est bien. En fait, en histoire, moi, c'est clairement ça qu'on m'a appris, quoi. Avant, c'était pas bien, et aujourd'hui, c'est bon, on est sauvé, on a l'égalité, on a tout ce qu'il faut, c'est bon, quoi. Et donc, je voulais dire vraiment merci pour ça. Juste pour poser une question, histoire de vraiment poser une question, est-ce que pour toi, c'est quoi le point le plus ressemblant et le plus grave, j'ai envie de dire, entre les anciennes républiques et pas forcément la troisième, mais entre les anciennes républiques et ce qui reste encore aujourd'hui, en fait? Sur les livres d'histoire, ce qu'on a appris à l'école, pour en avoir relu quelques-uns récemment, l'effort principal sur cette période est porté sur la colonisation qui commence à ce moment-là, qui prend son ampleur, afin de redorer le blason de la France dans les livres d'histoire. C'est-à-dire que tout le problème de la Commune et de la Troisième République, du bâtissement de la Troisième République, a été globalement occulté. C'est résumé en quelques lignes et on s'attache surtout à la France coloniale qui bâtit son empire. Mais je vous aiderai à... Alors oui, donc pour l'histoire à l'école, c'est une question très large parce que bon, il y a un proverbe nigérian qui est pas mal qui dit tant que les lions ne sauront pas écrire, les récits de chasse vanteront la bravoure des chasseurs. Voilà, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Après, il y a des nuances à mettre, justement, il y a des historiens qui vont les chercher. Mais les historiens qui vont les chercher, ils vont pas être très diffusés, ils vont pas être très lus, enfin ils vont être lus dans leur milieu, et après il faut aller les expliquer, et c'est plus compliqué à expliquer que dire la France est gentille, et avant le Moyen-Âge c'était une époque super sombre, et puis après on a eu des gens gentils. Enfin bref, c'est ce qu'on fait en histoire concrètement, hein, à part justement quand on arrive dans l'enseignement supérieur. Mais comme l'idée c'est qu'on est dans une démocratie, la seule chose qui compte c'est ce que la majorité des gens va apprendre. Ça c'est génial. Donc si t'apprends à la majorité que c'est comme ça que ça marche, t'as gagné. Donc le vestige le plus grave, alors de la Troisième République en général ou de cette période? Bah la Troisième République en général, l'héritage colonial dans le genre est pas mal. Mais je dirais que c'est pas vraiment un concours, mais l'idéal. Le système représentatif comme représentatif, absolument. On se pose, en fait, c'est le côté réactif, on se pose en antithèse. Bon, ça, on peut répondre que c'est toujours comme ça qu'on fait, mais on se pose en antithèse. Au clergé, ou alors on se pose en antithèse aux mauvaises choses pour moi. On se pose en antithèse au clergé, réactionnaire de Pie IX. Aux monarchistes de la rente foncière, etc., trop conservateurs, etc. Et du coup, le peuple n'a plus qu'à élire les gens qui, avec des alliances, etc., vont permettre de changer la société en prenant le pouvoir. Sauf que l'idée derrière ça, c'est une alliance un petit peu illusoire entre paysans, dont la condition ne va pas forcément s'améliorer avant longtemps, avec les dirigeants de la haute et moyenne bourgeoisie. Mais c'est très personnel, hein, c'est pas de l'histoire aussi neutre que... Bon, il n'y a pas de neutralité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus partisan que d'habitude. Alors sur l'histoire à l'école, du coup, quelqu'un a une question ? Au niveau de la dualité entre les orléanistes et les légitimistes, à un moment donné, donc d'un côté, on va dire les partisans plutôt d'un catholicisme de conservateur et de l'autre plutôt d'un libéralisme économique bourgeois. Et la question que je voulais te poser, parce qu'à un moment donné, tu as brièvement parlé d'une présence des francs-maçons, sur le plan justement, je dirais, spirituel. Ceux qui étaient contre l'Église, qui étaient plutôt dans la partie anticléricale, est-ce qu'ils avaient, eux, un idéal spirituel, ou est-ce que ça se limitait vraiment à une forme d'athéisme et de matérialisme pur, ou est-ce qu'au contraire, il y avait un contre-idéalisme dans lequel notamment la franc-maçonnerie pouvait avoir un rôle à jouer? Alors, j'ai pas très bien entendu la question sur le libéralisme bourgeois. Alors, du coup, je vais passer direct à la question de la franc-maçonnerie et de la spiritualité, tu reposeras l'autre. La franc-maçonnerie est présente de fait du côté des républicains anticléricaux. Elle est, enfin, mais on sait, On a toujours l'impression que les sociétés secrètes sont plus malignes que tout le monde, mais Gambetta les a utilisées, et Thiers aussi les a utilisées, de manière très cynique. Hein. Il ne faut pas croire que parce que c'est des gens qui sont dans l'ombre, etc., c'est des surhumains qui vont... Thiers, de fait, il les a utilisées, il leur a rien rendu, hein, aux francs-maçons. Et donc leurs loges maçonniques sont influentes au niveau de la propagande discrète. Mais au niveau de la spiritualité, alors ce qui va s'imposer, mais là c'est encore, c'est pas encore entré dans la sphère politique, mais le milieu dont viennent les gens de cette sphère politique, et même les gens eux-mêmes comme Jules Ferry, sont imprégnés de ce qu'on appelle le positivisme, c'est la théorie d'Auguste Comte, le progrès va venir de la science, le progrès va venir des savoirs positifs que va amener la science, et ça va être un progrès technique, et tout le monde sera content. Et donc à partir de là, t'as ce qu'on va appeler un critère objectif, c'est-à-dire qui est transcendantal en fait. Enfin, pour eux, en réalité, si on fouille chez Descartes, etc., l'objectivité c'est juste un accord entre les gens. Mais on va passer sur les questions philosophiques. Pour eux, on va avoir un critère transcendantal qui va faire qu'on est au-dessus de lui, on est au-dessus de ce qu'on avait l'impression, c'est-à-dire l'homme mythique va recevoir la vérité du monde, l'homme chrétien va recevoir la vérité du livre qui va lui être expliqué par le clergé, et cet homme-là positiviste va créer avec des outils la vérité, enfin les scientifiques vont créer avec des outils la science, etc., un truc transcendantal parfait, et la donner au peuple qui va pouvoir l'utiliser pour faire de l'ingénierie et améliorer sa condition. Donc ça c'est l'idéologie. Après ça va aboutir sur la colonisation, enfin ça va être un des arguments pour la colonisation, hein. Ça va être c'est des êtres inférieurs, ils n'ont même pas la science. Ils n'ont pas la même conception de la science, on va dire. Il faut les élever vers nous. Et du coup, on va leur imposer, mais c'est pour leur bien. C'est comme quand on t'impose des CICE, c'est pour ton bien. Donc, ta question sur le libéralisme bourgeois, tu veux la poser ? Non, en fait, ce que j'entendais par libéralisme bourgeois, c'est quand tu parlais des orléanistes, tu parlais plutôt d'une, on va dire, d'une minorité qui est orientée sur la finance, sur le commerce, en fait, que tu mettais en dualité avec les légitimistes, qui eux étaient plutôt une bourgeoisie foncière, de propriétaires terriens. Donc, quand je parlais de libéralisme bourgeois, c'était simplement deux concepts que j'avançais pour mettre en avant. Quand tu parlais des orléanistes, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est aussi tout simplement le mouvement d'essor du capitalisme. Enfin, ça fait longtemps qu'il a commencé, mais que la grande bourgeoisie orléaniste rachète des terres aux féodalistes, et tout simplement, elle est en train de conquérir un peu la terre. Et même les paysans commencent à acheter des petites parcelles. Bon, ridicule, hein, mais c'est des petits grignotages qui vont faire que derrière, des grands bourgeois vont pouvoir racheter aux paysans. Et du coup, finalement, le féodalisme est en train de perdre son influence parce qu'il tirait son influence sur le paysan de la pression qu'il avait grâce à sa terre. Et s'il la perd, et ben forcément, la grande bourgeoisie va prendre la mène avec le pouvoir de la finance, de l'industrie, et puis même qui commence à avoir du pouvoir sur les terres. La propriété des moyens de production. Juste une demande de précision. Les Saint-Simoniens, vous les situez comment ? Orléanistes, républicains ? Alors, monsieur fait exprès de vous poser une question piège, parce que les Simoniens, on fait dire à Saint-Simon tout et n'importe quoi, parce qu'il a écrit, des armoires entières de bidules, il a écrit des textes interminables. Et on peut lui faire dire tout et son contraire, et du coup il y a eu par exemple le fourriérisme, les phalanstères, etc., c'est inspiré de Saint-Simon, hein, les expériences d'embryon de communisme, de petites communautés isolées, un petit peu en mode kibbutz, qui fonctionne sur le familistère de Rouen, par exemple. Et il y a aussi des gens qui sont comme Napoléon, qui se considèrent saint-simoniens et qui décident ben on va faire des grands chemins de fer, ce sera le progrès technique et ça va aider tout le monde. Alors c'est entièrement centralisé et autoritaire, mais c'est pas la question. Saint-Simon, il voulait le progrès technique. Donc on lui fait dire un peu tout. Donc c'est difficile de situer les saint-simoniens. Mais je les situerai un petit peu en marginaux. Enfin, je dirais les ce qu'on va dire les vrais Saint-Simoniens, on va dire les fourriéristes, enfin Fourier, Bazar Enfantin, ils ont tous des noms super rigolos, hein, Bazar Enfantin, des trucs comme ça. Je dirais qu'ils sont un petit peu marginaux, mais en construction de théories alternatives, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont faire leurs petits projets, montrer que c'est possible. Il y a même eu du féminisme, hein. Il y a eu, je sais plus c'était lequel, mais qui a fait un endroit carrément féministe, où il y avait une égalité. Et donc voilà, c'est déjà des débuts de tentatives de faire une société autrement, qui, même si elle a du mal, parce que c'est difficile de vivre en autarcie, monte parce qu'elle tient, même si le parti vert va dire, vous voyez, ça casse en deux mois, parce que bon, il y a 10 personnes dedans, mais qui vont quand même montrer qu'il y a une autre manière d'organiser la société qui est possible et qu'elle n'aboutisse pas sur un chaos complet, etc. Donc ils sont en train de former la classe révolutionnaire, ils contribuent à former la classe révolutionnaire qui va faire la commune, et la classe de la commune qui va devenir elle-même l'inspiration plus tard pour la gauche. Ah oui, je n'ai pas noté ça, oui, je suis désolé. La commune, même si ça a un peu baissé en ampleur, ça a été très longtemps une grande inspiration pour la gauche. Marx, bon, en étant un petit peu intéressé, entre guillemets, un petit peu, on va dire, sympathique, va dire que c'était l'application des principes communistes, et donc il va y voir une inspiration possible pour les prochaines révolutions, etc. Lénine va se réclamer de la commune, énormément de mouvements communistes et socialistes vont se réclamer de la commune, le Père Lachaise est resté longtemps un lieu de pèlerinage pour la gauche radicale. La commune va être une grande inspiration, même si au niveau politique ça a été difficile, quoi. Ça a été tout simplement, on a tué plein de gens de la gauche radicale, quoi. Et on a terrorisé les autres. Donc voilà. Il a pas entendu la fin. Il a quoi ? Il a terrorisé ceux de la gauche radicale qui s'étaient pas fait tuer ou envoyer au bagne. Parce qu'ils se sont dit, finalement, c'est pas seulement que c'est la peur de la mort, hein, mais c'est aussi. À quoi ça sert de se révolter si à la fin. Parce que franchement, le bilan, il était dur, hein, pour la gauche radicale. Hein. Là, tu regardes la décennie 70. Pouvez-vous me rappeler la date de l'année de l'amnistie pour les communards ? Amnistie pour les communards, quand ? Amnistie. J'ai oublié quand était l'amnistie des communards. C'était Victor Hugo, dès le début, s'était battu pour ça. Je sais plus qui d'autre. Il y avait pas mal de gens qui étaient derrière ça parce que. Mais de manière, il y a une bonne partie qui a été fusillée, envoyée au bagne dans des endroits où, de toute manière, il y avait la fièvre jaune. Mais je crois que c'est 1879, mais je suis pas sûr. Il y a encore des questions ? C'est pas une question, mais une petite relativisation sur l'amnistie des communards. Tous ceux qui ont été envoyés au bagne, entre autres à Cayenne ou en Indochine, ont effectivement été amnistiés, sauf qu'ils subissaient la loi du bagne, c'est-à-dire qu'ils devaient rester le temps, par exemple à Cayenne, un bagnard même amnistié, s'il avait fait 50 bagnes, devait rester 50 plus à Cayenne. Histoire de s'assurer qu'il ait peu de chances de pouvoir rentrer. Et au départ, ce que je voulais dire, c'était sur le positivisme, comment il s'est développé, comment il s'est étendu en France, entre autres, moins bien qu'en Angleterre, c'est entre autres par la littérature. Je pensais entre autres à Jules Verne. J'avais juste une question. L'armée qui a conquis justement les communards, est-ce que c'était la garde nationale ou pas du tout, ou c'était pas une genre de garde nationale, ou enfin peut-être je fais une grosse erreur, je sais pas. Alors, l'armée des communards, je crois que je vais un peu profond avec la période du Paris, pas encore dans la commune, en état de siège. Mais la garde nationale, oui, il y a une bonne partie de la garde nationale qui a rejoint les communards. Le problème, c'est qu'elle a plus du mal à résister, parce que la garde nationale, c'est des civils, en fait. Ils sont pas très entraînés, ils sont pas très disciplinés, parce que c'est pas vraiment... ils aiment pas vraiment l'aristocratie. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Elle a été dissoute hein, après la commune, hein, la garde nationale, hein, évidemment. Ça me paraissait évident. Elle est pas très adepte des principes de la noblesse, et les officiers de l'armée sont encore majoritairement issus de la noblesse. Donc ils aiment pas la discipline. et ils sont pas très entraînés et ils ont pas des très bonnes armes. Mais il y a aussi une partie de la garde nationale qui était surtout dans l'ouest de Paris assez grande bourgeoise et qui a, bon alors pas tous hein, évidemment il y a des nuances hein, mais qui a pas mal ouvert ouvert Paris au, voire rejoint les Versaillais qui étaient l'armée de répression. Et il y a eu des militaires aussi, mais je crois que c'est assez, assez anecdotique. C'est des troupes de la France, enfin des troupes de l'armée française, quoi, tout simplement, qui ont été retournées quand ils ont été envoyés chercher les canons et qu'on a refusé. Ah, j'ai oublié de préciser qu'on a tué deux généraux, deux, je sais plus, non, c'était pas des généraux, mais c'était deux officiers à ce moment-là. La foule en furie a tué deux généraux sommairement. Moi j'ai une petite question qui me vient comme ça, est-ce qu'on sait si à cette époque il y avait beaucoup de gens qui vivaient en marge de la société, c'est-à-dire, parce que ben, on sait qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, mais je sais pas si, y a, si on a beaucoup d'informations sur, sur ça, donc voilà. Bah, c'est justement très difficile d'avoir des archives, enfin, même actuellement les populations des bidonvilles elles sont inconnues, enfin, faut aller sur des sites spéciaux, c'est incertain, etc. C'est un des bons moyens de cacher ce qui va pas et de légitimer un système, hein, de pas trop chercher ce qui se passe dans les marges. Mais au niveau des marges, bah, y a un exode rural qui pousse beaucoup de, puisqu'il y a avec le développement de l'individualisme un recul des sociétés de la solidarité dans les campagnes, donc beaucoup des ouvriers les plus pauvres, qui des paysans les plus pauvres qui vont vers la ville chercher du travail. Donc le développement des banlieues, donc de fait, il y a les ouvriers avec l'haussmannisation qui sont écartés de Paris parce qu'il y a des expropriations, etc. Et donc de fait, il y a un développement de la banlieue, et puisque c'est écarté de la centralité, c'est une marge. Après, enfin, il y a plein de différentes manières de faire de la marge, de parler de marge, mais comme je suis un peu géographe, je suis conditionné par, par ces histoires. Donc pour moi, oui, il y a, y a un... il y a plus de marge que, en, que avant, on va dire, mais personne les écoute. Enfin, on les écoute pas vraiment. Ben, c'est comme d'habitude, quoi. Il y a que le bon Napoléon III qui les a écoutés. Il y a une partie de ton exposé où j'étais, où j'ai pas très bien compris, en fait. C'est à un moment donné, t'as expliqué que durant la, si j'ai bien compris, hein, durant la Troisième République, t'as fait une relation avec la théorie de Marx des systèmes économiques en relation avec l'existence, avec le fait de féodalisme et le système bourgeois, d'un côté le salariat, de l'autre côté l'esclave, etc. Et t'avais dit que dans la Troisième République, plusieurs systèmes différents avaient fonctionné en même temps. Et après, t'as parlé que c'était pas enseigné parce qu'on voulait pas montrer la vision déterministe de l'histoire. Enfin, je sais pas si j'ai bien, mais cette partie-là, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Est-ce que toi, tu crois, hein, est-ce que tu crois la théorie de Marx du déterminisme et de la lutte des classes ou pas? Et voilà. C'était, mais voilà. Alors, c'est une très grosse question. Alors, c'est pas exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce que Marx dit, et avec quoi je suis assez d'accord, c'est que beaucoup des orientations politiques et des groupes politiques qui vont se former vont être déterminés par les conditions matérielles d'existence. Pas dans le sens que les riches vont se mettre avec les riches, mais dans le sens que les gens qui ont besoin d'une certaine chose et donc d'un certain ordre social pour se procurer ça vont être dans le même camp, parce que c'est des alliés objectifs. Donc de fait, les gens qui vont être des grands propriétaires fonciers vont avoir besoin de l'ordre féodal, du système de répression féodale, etc. pour maintenir ça, et ils vont être de ce côté politique. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de classe en termes de... j'ai du mal avec l'idée de classe en termes de... il y a les ceux devant et ceux derrière, parce que pour moi, il y a des classes dominantes qui sont aussi un peu en concurrence. Alors, pas complètement, et quand il s'agit de réprimer celles d'en dessous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas non plus des classes absolues... transcendantale, on va dire. Alors, j'ai pas suivi toute la question, j'aurais probablement dû noter. Sur la... c'est les bouts qui manquent, tu peux me les blinder. Non, la deuxième partie, c'était à un moment donné, tu avais dit on n'enseigne pas cette partie-là de l'histoire Parce que c'est là que j'ai pas compris en fait, par rapport au déterminisme. Alors, on n'enseigne pas le 19e siècle à l'histoire. En histoire, enfin moi, le seul souvenir que j'ai, et j'écoutais en histoire, c'est une frise en CM2 où on montrait là c'était la Restauration, là c'était la Monarchie de Juillet, là c'était la République. C'est parce que on a aussi besoin de. Alors bon, c'est compliqué comme question, mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas connaître ce qui a déterminé notre régime politique, parce que. Ce serait dangereux si on se mettait à connaître ce qui a déterminé notre régime politique, on se mettrait à savoir ce que c'est que notre régime politique. Et on voudrait pas ça, parce que on se mettrait à avoir des idées comme quoi république et démocratie, c'est pas exactement la même chose, ça parle, c'est pas anti, forcément antinomique, mais c'est que ça parle pas de la même chose. La république, ça veut dire un état de droit, sans monarque, où c'est les lois qui décident et pas, bon, ça existe aussi dans d'autres régimes, hein, c'est avant tout ça la république. La démocratie, c'est autre chose, c'est un concept du pouvoir du peuple, par le peuple, par le peuple. Je suis pas forcément démocrate d'ailleurs, mais voilà, c'est tout simplement deux concepts complètement différents. Mais si on se met à faire de l'histoire, on va commencer à se poser des questions là-dessus, sur comment ça se met en place en pratique ces choses, qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement, et je suis pas sûr qu'ils aient tellement envie de pousser des réflexions là-dessus. Alors ils préfèrent nous faire, alors en 1789 il y a eu une grande rupture, d'un seul coup on s'est libéré des maîtres et des seigneurs qui nous oppressaient et on s'est retrouvé dans une société libre du clergé et de l'église qui nous poussait, enfin bon bref. Voilà, que d'un seul coup ça s'est arrêté et on est passé à là-dedans. Alors l'idée c'est aussi de faire une histoire complètement linéaire, hein, leur truc, hein, c'est le début qui est horrible, le Moyen-Âge, c'était les ténèbres complets. Il y a eu la Renaissance, on s'est mis à aller mieux, puis ça a préparé la Révolution, et puis après ça, il y a eu la République, et puis en gros, là, on est à la fin de l'histoire, en fait. Là, tout va bien, on est d'accord, tout va bien. Voilà, ça, c'est l'idée. Alors, pour remettre un petit peu les choses au clair, le Moyen-Âge, on va dire, déjà, c'est beaucoup trop long comme période, hein. Historiquement, on a les historiens spécialistes du Moyen-Âge n'aiment pas tellement l'idée de Moyen-Âge, parce que 1000 ans d'histoire, mais d'un seul coup, ça fait quand même peu de nuances. Donc on va dire par exemple la reconstruction se développe enfin après la guerre de 100 ans de 1420 à 1550 on va dire et les guerres de religion c'est au moment de la guerre de la Renaissance de ce qu'on appelle la Renaissance. Il y a des terribles crises qui arrivent au moment qu'on dit ascendant. Mais c'est parce qu'on veut une histoire qui va comme ça, et puis là c'est la fin de l'histoire, avec l'effondrement du bloc soviétique, il n'y a plus d'alternative, tout va bien. Voilà, alors ça c'est mon interprétation un petit peu partielle de ce qu'on enseigne dans l'histoire. Juste une petite chose, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que la majorité des gens à l'époque étaient des journaliers, c'est-à-dire que le lendemain ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, les gens journaliers. Alors oui, beaucoup de journaliers, et c'est ce que je l'ai mal précisé, mais c'est ce que je veux dire par le développement d'une industrie, enfin d'ouvriers encore plus précaires par rapport aux ouvriers artisans du début du 19e siècle, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouvriers qui n'ont pas vraiment de qualification, qui n'ont que leur force musculaire à vendre, et qui chaque jour doivent trouver un emploi, ce qui les met dans une situation de dépendance complète. Et évidemment, ça c'est pas exactement ce que faisait le féodalisme. Donc on veut faire comme si on avait fini l'aliénation pour pas montrer qu'on en a eu d'autres. C'est aussi pour ça qu'on enseigne l'histoire comme on le fait, c'est comme s'il y avait des aliénations et puis on les enlevait et c'était fini. Là on n'en remplaçait pas par d'autres. Non, c'est juste du coup pour confirmer sa petite réflexion, je me dis bêtement, c'est clair que. Si à l'école on te disait que pour imposer une république on a dû massacrer des Français alors que eux défendaient des valeurs de liberté, t'imagines si on t'apprend ça, clairement ça passe pas quoi. Et voilà, enfin je viens de le penser, je grossis certainement, hein. Voilà, mais bon. Ah, et il y a un petit détail dont je viens de me rappeler, c'est que quand De Gaulle est revenu au pouvoir à la fin de la guerre d'Algérie, il a demandé la réécriture des manuels scolaires. Il fallait absolument rétablir la belle France, la grande France. S'il fallait parler de tous ces détails dérangeants, ça faisait poids bord dans les bouquins d'histoire. Est-ce que vous avez encore des questions ou des interventions, des déclarations? Tu veux clôturer ou tu veux t'arrêter là? Comme tu veux, de toute façon, le public t'attend. Alors oui, s'il y a quelque chose que ça montre, c'est que c'est pas une révolution qui a amené notre République. Hein. Ce qui a amené notre République, c'est une défaite militaire. Donc, faut pas croire que le salut ne peut venir. Alors moi, je suis pas contre la Troisième République. Hein. Je pense pas que le Second Empire, c'était un endroit super chouette, où on développait l'économie, etc. C'était ultra individualiste, méritocratique, autoritaire, ça avait plein de défauts. Ce qui m'énerve, c'est juste qu'on fasse comme si c'était fini. Alors, cette statue a été érigée dans les années 1880, début des années 1880, ouais. Et oui, je crois qu'il n'y a pas la commune dessus. Il n'y a pas la révolution de 1848. C'est une révolution trop sociale. Et donc voilà, c'est pas forcément par la révolution qu'on change de régime ou de système politique. Surtout qu'actuellement, j'ai du mal à l'avoir comme possible. Merci pour ce mot de la fin, c'était intéressant.